Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 14. Du blasphème contre l'Esprit Saint. Ce qu'est, ce péché? 6 espèces de péché contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit est-il irrémissible? Peut-on le commettre tout d'abord? 1. Le péché contre le Saint-Esprit est-il le même que le péché de malice? Pour saint Athanase, saint Hilaire, saint Ambroise et autres anciens pères de l'Église, le péché contre l'Esprit Saint consiste à prononcer des paroles blasphématoires contre l'Esprit Saint. Les Juifs, qui avaient d'abord blasphémé contre le Fils de l'homme, en disant qu'il était un homme de bonne chair, aimant à boire, ami des publicains et des pécheurs, blasphémèrent ensuite contre l'Esprit Saint, en attribuant au prince des démons les œuvres que le Christ opérait par la vertu de sa divinité et par l'opération du Saint-Esprit. Pour saint Augustin, le blasphème ou péché contre l'Esprit Saint n'est autre que l'impénitence finale, par laquelle un homme persévère jusqu'à la mort dans le péché mortel. Le Seigneur ne dit pas aux Juifs qu'ils avaient péché contre le Saint-Esprit, parce qu'en effet ils n'étaient pas encore finalement impénitents, mais il les avertit de prendre garde qu'en parlant comme ils faisaient, ils n'en vinssent à pécher contre le Saint-Esprit. Pour d'autres enfin, et pour nous en particulier, le péché contre le Saint-Esprit est le même que le péché qu'on commet par une malice affectée, en choisissant le mal, non par faiblesse, non par ignorance, mais avec malignité. Ainsi pêche tout homme qui repousse avec mépris les choses qui l'empêcheraient de choisir le péché. Celui, par exemple, qui substitue avec calcul le désespoir à l'espérance, la présomption et la crainte de Dieu, tombe dans cette faute, car tous les moyens que nous avons de ne pas choisir le mal sont des effets du Saint-Esprit, qui agit en nous, et, par conséquent, pécher ainsi par malice réfléchie, c'est offenser l'Esprit Saint. 2. Doit-on distinguer si pécher contre l'Esprit Saint? En prenant le péché contre le Saint-Esprit dans le sens de la troisième opinion, qui le fait consister dans le mépris de ce qui empêche de choisir le mal, on en distingue avec raison 6 espèces, car 3 choses principales nous empêchent de donner la préférence au péché sur les actes de vertu, les jugements de Dieu, ses dons, et la turpitude du péché. En effet, la pensée des jugements de Dieu, où la miséricorde s'unit à la justice, nous fournit de secours, l'espérance et la crainte, qui sont détruites par le désespoir et par la présomption. Les dons de Dieu, qui sont la connaissance de la vérité et la grâce intérieure, sont pour nous de nouveaux secours, qu'anéantissent l'attaque de la vérité connue et l'envie que l'on porte à ses frères touchant les grâces dont ils profitent. La considération de la turpitude du péché est un autre secours d'où naît le repentir. Ce secours est annulé par la résolution de ne pas se repentir et par l'affermissement dans cette résolution, c'est-à-dire par l'impénitence et par l'obstination. On voit par ces aperçus qu'il y a 6 péchés contre le Saint-Esprit, le désespoir et la présomption, l'attaque de la vérité connue et l'envie au sujet du progrès des autres dans le bien, l'esprit d'impénitence et l'obstination. 3. Le péché contre l'Esprit Saint est-il irrémissible? Il est écrit, si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, son péché ne lui sera pardonné, ni en ce siècle, ni dans le siècle futur. Matthieu 12, 32. Pourquoi, reprend saint Augustin, parce que telle est la noirceur de ce péché, qu'elle ne peut se concilier avec l'humilité de la prière. Le péché contre le Saint-Esprit est donc irrémissible. Cette irrémissibilité, toutefois, s'explique de différentes manières, suivant les différentes significations qu'on donne à ce péché. Entendez-vous par le péché contre le Saint-Esprit l'impénitence finale? Dites, sans aucune restriction, qu'il est irrémissible. Le péché mortel dans lequel un homme persévère jusqu'à la mort n'est pas remis par la pénitence en cette vie, et il ne le sera pas dans l'autre. Entendez-vous ce péché dans l'une des autres acceptions? Dites encore qu'il est irrémissible, non dans le sens qu'il ne puisse être remis d'aucune manière, mais parce que tant qu'il est en lui, il mérite d'être sans rémission, pour une double raison. Un homme qui pêche avec une malice affectée n'a pas l'excuse de la faiblesse ou de l'ignorance pour réclamer une diminution de la peine due à sa faute. De plus, il rejette les moyens par lesquels on obtient la rémission des péchés. Ne prétendons pas cependant limiter la toute-puissance et la miséricorde de Dieu, qui guérit quelquefois, comme par miracle, les maladies spirituelles. Il ne faut désespérer du salut de personne en cette vie. 4. Peut-on pécher par un premier acte contre le Saint-Esprit? Le fait est possible, car si, comme nous l'avons dit, celui-là pêche contre le Saint-Esprit qui repousse avec mépris les secours que Dieu nous a donnés pour nous éloigner du mal, il peut se faire que quelqu'un pêche contre le Saint-Esprit par un premier acte, soit parce qu'il a le libre arbitre, soit à raison de plusieurs dispositions antérieures, soit par suite d'un violent penchant au mal et d'un faible attrait pour le bien. Quoi qu'il en soit, il arrive bien rarement que les justes tombent tout d'abord dans le péché contre le Saint-Esprit, le plus souvent, pour ne pas dire toujours, ce péché en suppose d'autres. Note. Si, d'après le sentiment de saint Augustin, on entend par le péché contre le Saint-Esprit l'impénitence finale, la question est résolue d'avance, puisque cette impénitence implique par elle-même la persévérance dans le mal jusqu'au dernier soupir. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.